Merci donc d'abord aux organisateurs pour cette invitation à participer à cette table ronde. Et merci également à nos trois intervenants qui nous ont présenté des communications fort intéressantes et que j'ai lues. Je ne sais pas si c'est mon optique qui les voit en fait sous ce même angle, mais j'ai eu l'impression quelque part que c'était la même interrogation qui traversait l'ensemble de vos trois communications. Et cette interrogation, je pourrais dire d'une certaine manière que c'est un effort en fait de décryptage d'un mouvement de redéfinition de l'islam, d'un mouvement de conversion interne d'un islam que les uns et les autres vous avez qualifié comme populaire, communautaire, vernaculaire, ritualiste, à un islam qui serait savant et j'ajouterais francophone. Mouvement qui est porté par des jeunes filles voilées, chez Julien Bauger, instruites, des entrepreneurs relativement éduqués chez Hicham et des cadres de la fonction publique et aussi du monde privé chez Drissa Kone. L'autre élément, c'est que ce mouvement dans l'islam signe en même temps sa revitalisation, son essor et non son affaissement. Drissa Kone parle même de booster en fait la pratique religieuse. Et dans ce mouvement, l'islam apparaît sur vos trois terrains comme un élément qui est à la fois commun, qui est aussi un élément divers et aussi un élément endogène. Et la question que je me pose de façon, en regardant de façon collective vos trois interventions, c'est est-ce que finalement ces trois terrains ne révèlent-ils pas des logiques de distinction qui tendent ou conduisent à l'indistinction d'une communauté musulmane sous la direction de nouveaux entrepreneurs religieux? Et aussi, c'est pratiquement la même question que je vais vous poser à tous les trois, mais qui sera déclinée et ajustée selon vos différents terrains et vos objets. Tout d'abord, donc Julien Bauger, j'ai trouvé l'intervention astucieuse et subtile. Cette démarche qui consiste à revenir en fait sur un terrain, sur des matériaux déjà produits, avec pour projet, si j'ai pu dire, de classier le port du voile en essayant de relire l'enquête sous cette lunette. Et ce qui ressort de votre enquête, c'est que si le discours des voilés, de ces jeunes filles voilées, semble aveugle à la classe, il est traversé par un effort récurrent de distinction au sein du religieux entre le savant et le populaire, distinction que l'on retrouve aussi à la Riviera. Mais si c'est à travers la distinction religieuse ou au sein du religieux que ces jeunes filles expriment une distinction de classe, celle-ci n'ambitionne-t-elle pas de dépasser aussi les clivages à la fois de classe, de race et d'origine? Bref, d'une certaine manière, comme je l'ai dit tantôt, une distinction qui vient annuler toutes les distinctions et qui, de leur point de vue, trahissent le véritable ou l'authentique projet ou pratique islamique. Concernant l'intervention de Hicham sur l'entrepreneuriat islamique, j'ai bien apprécié la partie initial qui constitue un peu un effort de cadrage, comme vous dites, de cette grande discussion. Et vous arrivez tout de suite sur votre objet empirique. Et vous dites avec Olivier Roy que l'avènement majeur dans le passage de l'islam maghrébin vers l'islam français, c'est un peu ce découplage de la religion en tant que système de pratique et de croyance de toute son assise culturelle et traditionnelle. Je vous suivrai bien en fait dans cette façon de voir ces mutations internes au champ religieux islamique en France. Mais en même temps, je me suis demandé s'il ne faudrait pas élargir le regard. Ce passage n'est-il pas aussi largement présent dans les pays d'origine, donc au cœur de l'islam lui-même, comme quelque chose presque d'une lame de fond sous-jacente et permanente, du fait à la fois de la prolifération, de la dissémination du savoir religieux, savoir qui est de plus en plus questionné par les sujets. Votre enquête nous fait voir deux figures caricaturales, pour reprendre vos termes, qui bornent une sorte de continuum et révélant l'islam comme discours de légitimation pour ce qu'on pourrait appeler des transfuges de classe. Se redéfinir musulman dans cette optique permet d'accompagner le changement en fait du statut de classe. Et dans ce mouvement aussi, finalement, ce qui distingue cette classe en ascension des classes populaires quant à leur rapport à l'islam, c'est le type de rapport qu'ils vont construire à l'islam et aussi le type d'islam que cette classe met en avant. Et on voit que là aussi, l'islam unit autant qu'il distingue. Et cela fait un peu aussi écho à la recherche de Drissa Koné. Aussi, la question que je me pose, c'est jusqu'où cette distinction est ou unité est pertinente, jusqu'où elle fait effet au quotidien et ne reste pas seulement dans l'ordre en fait des discours. C'est-à-dire concrètement, comment l'islam ainsi redéfini permet de juguler les situations anomiques dont vous avez parlé assez rapidement. Mais je pense que vous avez sur le terrain beaucoup d'éléments que vous pourriez nous communiquer. Concernant la communication de Drissa Koné, j'étais un peu déçu en la lisant. J'étais déçu parce que je me suis dit qu'il a fait en Côte d'Ivoire ce que je projetais et projette de faire au Sénégal sur les élites scolaires de l'école française et le rapport à l'islam. Mais j'ai été vraiment très content et enchanté de lire ce texte très intéressant qui ouvre vraiment des comparaisons avec le Sénégal, mais je pourrais même dire aussi avec le Niger, le Burkina, à travers des lectures pour ces deux pays. Et je vais donc profiter de votre présence pour essayer d'exercer aussi un peu cette comparaison et poser un certain nombre de questions. Et à ce titre, ce que je vois qui ressort de votre texte, c'est qu'en Côte d'Ivoire, le stigmate se trouvait du côté de l'islam. C'est l'islam qui est marginalisé dans les sphères du pouvoir et dans la hiérarchie du prestige. Mon hypothèse, qui est toutefois à nuancer, ou tout au moins en tout cas à historiciser, est que pour le Sénégal, c'est au contraire la haute éducation occidentale qui a constitué une sorte de stigmate, de fardeau pour des élites scolaires issues de l'école française, avant d'ouvrir la voie à leur affirmation dans le champ religieux, à travers curieusement une structure homologue de la CMR qui s'appelle le CERID, le Centre d'études de recherche le Centre d'études et de recherche Islam et développement, composé également, comme la CMR, d'avocats, de médecins, d'universitaires, de cadres en fait de la fonction publique, et qui a été créé à peu près à la même période, en 82 pour la CMR et en 84 pour le CERID au Sénégal, mais qui apparemment n'a pas eu le même succès que la CMR en fait en Côte d'Ivoire, ce qui ouvre un certain nombre de directions de réflexion, notamment sur le rapport entre ces différentes catégories, les prédicateurs, cette élite francophone ou europhone d'ailleurs, mais aussi les élites confrériques. Ça, c'est une spécificité, il me semble, quant à la place de l'islam au Sénégal et dans son rapport au pouvoir, qu'on ne retrouve pas dans le contexte ivoirien. Mais je dirais en fait, et votre texte nous le montre, que le mouvement est plus ancien et que on pourrait peut-être remonter à la période des évoluées de l'époque coloniale pour trouver des élites occidentalisées qui déjà étaient des militants de la pratique islamique, certes minoritaires, dans un environnement où cet islam pouvait paraître, on va dire, ringardisé. Le troisième point et une direction qui me semble aussi intéressante, c'est l'attitude de l'État vis-à-vis des initiatives de la CMR. Je suis désolé, hein, je profite de sa présence pour discuter avec lui. Comment interpréter la conversion à une vision plus ouverte à l'islam, et aussi quelle est la place des pays et États musulmans dans cette mutation? Un autre point, c'est dans quelle mesure l'islam a pu être ou pas construit en Côte d'Ivoire comme une religion étrangère et d'étrangers, dans un pays où le clivage étranger-national a été et peut-être continue encore à être d'une très grande acuité. En commençant votre recherche, donc vous avez mis la focale sur les élites et cadres musulmans, en mettant aussi en exergue les clivages entre l'islam de ces élites, en tout cas celui qu'ils ont essayé de promouvoir, et l'islam populaire. Mais au final, vous terminez avec une vision plus unitaire de l'islam ivoirien. Et donc la question que je me pose, c'est qu'en est-il réellement de cet ancien clivage qui était très saillant dans votre texte tout au début? Est-ce à dire que les cadres francophones et europhones ont gagné le leadership au sein de l'islam, ou comme vous le faites aussi paraître plus ou moins, que c'est un champ qui est gros de bouleversement et de remise en cause? Voilà, encore une fois, merci pour vos interventions que j'ai trouvées très intéressantes et très stimulantes pour la discussion, et qui vraiment faisaient, en tout cas de mon point de vue et de mon regard, écho les unes aux autres. Quoi. Merci. Merci à vous.